mean, shit, I mean, basically, dog, this is Compton, man, you feel me? This is one of the worst cities to be in California, dog. This is a city where it goes down at. It happens, you know what I'm saying? This is where real it talk, it ain't just here. Movie shit. Je ferme les yeux, je vois la merde. Je vois les yeux, je vois la merde. Je connais pas de leur dit qui vendent la mort à perte. T'es pas qui t'aurais voulu être, dommage la vie est mal faite. Comme ton ennemi qui vit ton rêve le jour de ta fête. La descente est rapide, la montée est si lente. Quelques chromes à mon étoile et je vois que des étoiles filantes. Premier jour de l'année, premier en sortez l'offre, je fais un souhait. On voit nos rêves s'étouffer, couler, on voit l'air une bouée. Les démons se rendorment, je pose mes armes, les anges se réveillent. J'attends mon heure, attends les renforts, égaré du premier kill à la dernière taille. Ça charbonne pas pour la passion, ego, le but est lucratif. Je te conseille de quitter le gazon, si t'es plutôt du genre craintif. Un peu comme ma bite, je m'embête, heure de pointe, la ville s'endette. Ça manque pas de chaîne, ça manque de montant, tu liquides pas de chèque pour un peu de bon temps. De l'argent sale sous un fer, l'eau bénite sur des mains sales. La fidélité d'un frère, notre survie dans ta main sale. Je vis, je meurs avec mes frères, tu vas pas du risque, tu comptes sur tes potes. Ego quand t'es dans la merde, y'a que les mouches qui se rappellent de la bonne époque. Enchanté la famille, c'est comme un verre chez Watt. Ici comme les dollars c'est gris, j't'ai mal à l'aller de me faire des watts. Pas de grand discours, on sait que la rue muette. La tête dans un nuage de fumée, pas de lumière, juste une clope allumée. Olive dans les couilles, au moins cette balle assurée. Veux voir ce que c'est que d'être en haut. Au rez-de-chaussée, posté dans le hall. Le temps coule comme le liquide. Viscère la foule, viscère les villes si. Rêve toujours de durer. Passeur pété, passeur levé. Levé tôt pour la monnaie. Peu en sachet, caleçon parfumé. Gentil garçon, garçon mauvais. L'hiver gelé, les pieds enrhumés. Sortir de la merde, terrain occupé. Terrain occupé. Débuter, les choix assumés. Derrière l'imam, les genoux pliés. Prier le ciel, sortir du tunnel. On fera tout pour, on sera fortuné. C'est fuck les pâtes et fuck la purée. Dis-leur qu'on vole, qu'on se fait pas plumer. La rue c'est nous, nous c'est les ruelles. On n'oublie pas, ok, happy pas. Tout le temps les heures où on a sué. Le peur qui a afflué. Les jours de tôle qu'on a tué. Nos pas gravés se ripa, ça pleure devant la lune. Tu sais pourquoi on est mal luné. L'argent le vide et puis les tracas. On se cite pas, on préfère le braquage. Brava gonflé à force de pomper. En cellule c'est le feu, pas de pompier. Complet nos vies avant de tomber. Se relever, tomber, encore se relever. Dans la foi atteinte son apogée. Parle pas de mon dieu, je pourrais t'amocher. Si t'es indep, viens pas m'approcher. Crochet de la vie, ça on connaît. Clic, cligne des yeux, l'image a sauté. Un jour fleuri, un jour la santé. Sans se taire, l'ouvrir, pas des mythos. Bien plus sensible que ton clito. Panama. L'endroit qu'on habite, on te met un doigt par la bite. Tu connais l'emploi qu'à la bigrave. C'est sauf les siens, pas sauf qui peut.